Chapitre 5e. Un brûlant soleil d'août tombait d'aplomb sur les prés du Val des Frais et sur les toits de pierre de la ferme. Au long des talous caillouteux de la forêt, de grandes campanules pendaient demi-pâmées. Sur les moellons de l'enclos de Manette Bordet, les lézards gris frétillaient, et dans le jardinet, derrière trois pieds de fenouil, un rucher bourdonnait, tandis que du fond de la maison basse et trapue, le ronron d'un rouet se mêlait à la chanson des mouches à miel. Manette Bordet était, comme on l'a vu, une fille d'humeur indépendante et peu farouche. Orpheline, possédant pour tout bien cette maisonnette et le clos attenant, elle avait pris la vie par le bon bout. Comme la plupart des gens du pays, elle gagnait de modestes journées à travailler au bois, et quand l'ouvrage chômait dans les coupes, elle filait pour les tisserands de pralets. Cette sauvage existence forestière lui avait donné des allures fort libres, et sa conduite scandalisait grandement la paroisse. Mais en vraie fille de la nature, elle se souciait peu du qu'en dira-t-on et arrêtait net les sermonneurs en leur répondant qu'elle était maîtresse de sa personne et ne faisait tort qu'à elle-même. Ce jour-là donc, tandis que la terre se craquelait au soleil, sous une lumière aveuglante, Manette, dans son logis, filait au rouet, porte close, bien au frais sur le sol de terre battue, bien à l'ombre près de la croisée, qu'un rideau de haricots à fleurs rouges préservait de la trop grande clarté. Et à côté de Manette, devinez qui devisait galamment, campé sur un escabeau, la bouche épanouie et l'œil pétillant. Le docteur Denis Brocard, ni plus ni moins. Depuis quelque temps, les grâces plantureuses de Manette lui trottaient dans l'imagination, et on le voyait passer plus souvent que de raison devant les maisons du Val des Frais. Cet après-midi, ayant remisé son cabriolet à la ferme, il avait poussé jusqu'à l'enclos, et en entendant la chanson du rouet, il était entré bravement. Depuis une heure, assis près de la fileuse, il lui débitait de rustiques gaillardises qui la faisaient plus rire que rougir et tout en jasant, il lorgnait de ses attraits le plus qu'il en pouvait lorgner. C'était un friand régal, car pour être à l'aise par ce temps chaud, Manette n'avait d'autre atour qu'un jupon de cotonnade serré à la taille et sa chemise de grosse toile négligemment nouée par un cordon. Ses cheveux noirs et drus, à peine retenus par le peigne, retombaient en désordre sur la nuque et frôlant la peau, glissait par les entrebâillements de la toile bise jusqu'à des profondeurs où l'œil de Denis Brocard cherchait à les suivre. Les propos légers, les allusions risquées, les vertes gaudrioles de l'ancien temps foisonnaient sous les lèvres rabelaisiennes du docteur. Même il se permettait quelques privautés plus audacieuses, comme de pincer un bout de bras ou un coin d'épaule, et Manette de rire en montrant ses dents blanches. Soit insouciance, soit conviction que le docteur, avec ses 70 ans, ne pouvait être dangereux, la madrée commère ne faisait qu'une molle défense, comme si elle eût voulu voir de quelle façon Denis Brocard viendrait à bout de sa harangue. Les choses allaient donc leur train, et le brave docteur commençait à s'inquiéter sérieusement des risques de la péroraison, quand tout à coup une voix sonore retentit dans le jardinet. « Oh, Manette, ma fille, es-tu là ?» La rieuse figure de la bûcheronne se rembrunit, et M. Brocard bondit sur son escabeau. Manette s'était élancée vers la porte et en avait lestement poussé le verrou. « Qu'est-ce donc ?» demanda le docteur. « C'est, répliqua-t-elle, quelqu'un qui n'est pas endurant. Il faut vous sauver, ou nous aurons un raffut, un tapage terrible. Montez au grenier et tâchez de gagner le clos par la lucarne. » Denis Brocard fit un haut-le-corps. Ce qu'on lui proposait là donnait un fier accroc à sa dignité professionnelle. Plus jeune, il aurait tenu tête à l'orage. Mais à 70 ans, on a les sens rassis et on n'aime pas les scènes. Il n'y a plus qu'à tergiverser, car le nouveau venu secouait la porte en criant d'un ton irrité. « Ouvre donc, tu y es, puisque tu parles !» Le docteur grimpa vivement l'arrêt d'échelle de meunier qui se trouvait au fond de la pièce et se pliant en deux, rampa sous les poutres basses de l'obscur grenier, tandis que Manette se hâtait de déverrouiller la porte pour livrer passage à l'irascible visiteur qui n'était autre que Jean de Santenoge. « Peste, ma fille !» dit ce dernier de sa grosse voix. « Tu mets tes verrous de bonne heure. Avec qui donc jasais-tu pendant que je croquais le marmot ?»« Avec personne, » répondit Manette. « C'est mon rouet que vous avez entendu. » Mais Santenoge avait déjà remarqué l'escabeau placé près de la chaise de la fileuse. « Ouais, » reprit-il, « et c'est sans doute aussi ton rouet qui t'a décoiffé. »« Manon !» s'écria-t-il, en frappant le sol de son bâton de cornoulier. « Je ne suis pas jaloux, et je ne t'empêche pas de me donner un successeur. Mais je n'aime pas qu'on se gosse de moi. Et comme je soupçonne que ce galant que tu caches est le même drôle qui m'a l'autre nuit dénoncé aux gendarmes, Je veux, avant de partir, lui bailler une leçon dont il se souviendra. » Tout en parlant, Santenauge avait gravi à son tour les échelons du grenier. « Jean, s'écria Manette effrayé, laissez-le tranquille. » « Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est un pauvre vieil innocent qui ne peut plus faire de péché, je vous en réponds. » Denis Brocard entendit ces dernières réflexions monter dans le faux grenier, en même temps que son agresseur inconnu y pénétrait à tâtons. Il pencha aussitôt la tête à la lucarne, vit que le sol du jardin n'était pas trop éloigné, et résolut de sauter par cette ouverture. Ses jambes pendaient déjà le long de la muraille, tandis que ses mains se retenaient encore au rebord de la lucarne, quand un maître coup de gaule lui engourdit les poignets et le força de lâcher prise. Il tomba comme un sac dans les herbes des plates-bandes et poussa un cri de douleur. Jean de Santenauge avait déjà mis le nez à la fenêtre. Il aperçut en plein soleil la tête du docteur émergeant d'une touffe d'ortie et lança en l'air un juron retentissant. « Mille potées de diable ! Est-il possible que ce soit vous, monsieur Brocard ?»« Eh oui !» soupira piteusement le docteur. « Plutôt ciel que ce fut un autre !» Santenauge dégringola au bas de l'échelle et gagna lestement la plate-bande où gisait sa victime. « Ah, rustre que je suis » s'exclama-t-il en s'agenouillant dans le sable. « Faut-il que j'aie eu la malchance de commettre une pareille bévue ? Je ne me le pardonnerai de ma vie !» Le pauvre garçon était navré, et sa figure bouleversée le disait assez clairement, pour que le docteur lui-même en fût convaincu. « Je crois que ce ne sera rien !» murmura ce dernier. « Je me suis foulé ou luxé un pied, mais le coffre est intact. » « Mille guignons !» répétait Santenauge, désolé. « Que faire ? Je voudrais au moins être bon à quelque chose. » Clairette et le cabriolet sont à la ferme. Allez les chercher, tandis que la Manette me déchaussera, puis vous me ramènerez au Brive. » Un quart d'heure après, le cabriolet stationnait près du clos et le docteur s'y installait tant bien que mal. Santenauge prit les guides et on descendit au pas le chemin de Maigrefontaine. Denis Brocard restait consterné. Et à part quelques haillons arrachés par les cahots de la voiture, il ne soufflait mot. Sa physionomie attristée exprimait moins la douleur physique qu'un profond accablement moral. Don Quichotte devait avoir cet air-là, quand il fut ramené à son village par son voisin le laboureur, après avoir été moulu de coups par le muletier. Lorsqu'on fut sous bois, Jean de Santenauge, auquel chaque plainte de son compagnon plantait un remords au cœur, s'écria « Sacrebleu, monsieur Brocard !» Je me veux mal de mort de vous avoir donné ce mauvais coup. Quelle sotte idée j'ai eue d'entrer chez Manette. Je n'y avais que faire, car je ne l'ai pas revue depuis la nuit des gendarmes, et je me soucie d'elle comme d'une feuille sèche. Vous devez avoir une belle opinion de moi. Nenni, mon camarade, répondit le dolent docteur. Pouviez-vous deviner que c'était moi qui me trouvais tapis dans ce maudit grenier? Je n'ai que ce que je mérite. Pour parler franc, voulez-vous savoir ce qui me peine le plus dans cet esclandre? Ce ne sont ni les horions ni la foulure. C'est le mot cruel échappé à cette fille, un vieil innocent qui ne peut plus pécher. Voilà ce qu'elle a dit de moi. Bon, fit le jeune homme en riant, la Manette n'en pensait pas un mot. Si fait, elle a mis le doigt sur la plaie. Je ne suis qu'un vieux roquentin. Et si je me mêlais d'amourettes, j'allumerais des feux sans pouvoir les éteindre, comme on chantait dans mon jeune temps. Ah, mon jeune temps, où est-il? Maintenant, il faut dételer. Il faut dételer. N'importe. Un vieil innocent qui ne peut plus pécher. C'est dur. Consolez-vous, reprit Santenauge. Il y a bien des jeunes gens qui votre berthe vieillesse ferait envie. Non, non, poursuivit le docteur. Chaque chose a son temps, et il ne faut pas qu'un vieillard reste trop longtemps vert. Le raisin qui fleurit en septembre ne vient jamais à maturité. Voyez-vous, c'est un tort de s'obstiner dans le célibat. Le mariage a cela de bon qu'il nous fait perdre nos illusions en temps opportun. « Ne restez pas vieux garçon, Santenauge, mariez-vous. »« Me marier ?» s'exclama Jean avec un sourire mélancolique. « Y pensez-vous ? Quelle est la malheureuse qui voudrait d'un garnement tel que moi ?»« Bah, qui sait ? Vous avez beau nom, bonne mine et l'avenir devant vous. » Tout en devisant, on était arrivé au Brive devant la maison de l'abbatiale. Quand on eut déposé Brocard dans sa chambre et qu'on eut calmé les alarmes de la gémissante Angélique, le docteur se tâta le pied et reconnut qu'il en serait quitte pour une simple foulure. Il envoya quérir sa petite nièce, qui seule, disait-il, savait le soigner, et Santenauge, pendant ce temps, l'aida à se mettre au lit. Lorsque Marianne arriva tout émue à l'abbatiale, elle trouva le jeune homme installé au chevet de son oncle et en train de lui préparer une infusion d'arnica. « Ne t'effraie pas, fillette !» lui cria Denis Brocard. « Ce n'est qu'une foulure !»« Figure-toi qu'au moment où je descendais de cabriolet, Clairette a fait un écart. mon pied a porté à faux et je me suis sottement laissé choir sur une pierre. Je ne sais comment je m'en serais tiré sans monsieur de Santenoge. Hein? Monsieur se trouvait là? Dit la jeune fille en tournant sa figure rose vers Jean, qui du coup perdit tout son aplomb. Oui, balbutia-t-il, je suis arrivé malheureusement. Vous voulez dire fort à propos? Interrompit le docteur. Le camarade m'est apparu comme un dieu de l'Olympe au cinquième acte d'un opéra. Oh, ça a été un vrai coup de théâtre, ajouta-t-il en faisant une grimace. J'ai encore un peu de fièvre et la tête chaude. Mais quand j'aurai dormi, il n'y paraîtra plus. En effet, au bout de quelques instants, il s'assoupit, et un ronflement sonore et bien rythmé avertit les jeunes gens qu'ils goûtaient un sommeil calme. Ils se rapprochèrent de la fenêtre qui donnait sur la terrasse et qui était restée ouverte. Puis ils demeurèrent un moment silencieux, tout étonnés de se trouver en tête à tête. Le soir était venu et les ombres des maisons s'allongeaient sur les vieux tilleuls de la promenade où l'aube courait avec un bruit clair et rafraîchissant. Au-dessus des bois de Montaboire, le croissant de la lune se dessinait comme une mince faucille d'argent. « Les soirées diminuent déjà, » commença Marianne, qui voulait rompre ce silence embarrassant. « Oui, » répondit Santenoge, « cet été m'a semblé plus rapide que les autres. Il m'eût paru autrement long, si j'avais été réduit à le passer sous les verrous. Et à ce propos, mademoiselle, permettez-moi de vous remercier. »« Me remercier, » répéta-t-elle, troublée. « Et de quoi, monsieur ? Vous le demandez. » Sans vous, ne moisirais-je pas d'ennui dans la prison de Langres? Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais mon oncle Brocard qui a tout fait. C'est votre oncle qui a tout fait, mais c'est vous qui avez été son inspiratrice. Ne le niez pas, car le docteur vous a trahi sans le vouloir. Ah, mademoiselle Marianne, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je désirais que ma reconnaissance puisse se montrer autrement que par des mots. Malheureusement, Jean de Santenoge ne peut vous offrir que des remerciements, mais je vous jure qu'ils viennent du fond du cœur. Marianne se sentait fort émue. Pourtant, elle ne voulait point le laisser paraître. Elle répondit d'un ton bref. « Je crois que vous exagérez le service que j'ai pu vous rendre. »« Je n'exagère rien. »« Vous m'avez conservé le seul bien que je possède au monde, ma chère liberté. » Elle retroussa malicieusement le coin de sa bouche. « À quoi sert la liberté quand... »« Quand on n'en use pas mieux que moi ?» interrompit Santenoge en riant. « J'en conviens. » « Je mène une sotte existence et j'ai fait là-dessus force réflexion depuis une quinzaine. Mais quoi ? Pour marcher droit dans la vie, il faut avoir un but, et je n'en ai point. »« Ah ? » fit-elle d'un ton attristé. « Jugez plutôt. Je n'ai pas de famille, pas de besoin, pas de désir. »« Pas de désir ? » répéta la jeune fille en baissant les yeux. « D'après ce que vous disiez tout à l'heure, il me semblait que vous en aviez au moins un. »« Lequel ? » demanda Santenoge étonné. « Celui de prouver votre reconnaissance autrement que par des paroles. » Le cœur du jeune homme commença de battre à grands coups dans sa poitrine. « Vrai ? » murmura-t-il, « cela vous ferait plaisir de me voir changer de vie ?»« Oui, » répliqua-t-elle d'une voix à peine perceptible. Elle lui tourna le dos et parut fort affairée à fourrager parmi les clématites qui garnissaient la fenêtre. Le donjon de Virloux se donna un violent coup de poing sur la tête et il y eut entre eux un long silence, pendant lequel la voix de la rivière monta claire, cristalline et caressante à travers les tilleuls. En une minute, Santenoge revit les incidents de ces 3 mois d'été. Le goûter de fraises au châtelot, la causerie chez les sabotiers, l'intervention providentielle de l'oncle Brocard sur le chemin du Val des Frais. Une lumière douce et fraîche comme celle d'un rayon de lune sembla lui monter du cœur au cerveau et l'illuminer tout entier. « Ah ! » dit-il tout haut d'une voix joyeuse, « je me sens maintenant capable de soulever des montagnes. » Elle se retourna, fixa très tendrement sur lui ses yeux bleus et mettant un doigt sur ses lèvres. « Parlez plus bas, » murmura-t-elle, « vous allez réveiller mon oncle. »« Pardon, » dit-il, « je ne savais plus où j'étais. J'ai eu un éblouissement, comme si toutes les étoiles du ciel m'étaient passées devant les yeux. » Il respira longuement de toute la force de ses poumons. « Oui, mademoiselle Marianne, » poursuivit-il, « je veux changer de visée. J'en jure par tous les Santenoges qui dorment dans l'église de Pralay. Je me transformerai si totalement qu'il ne restera plus une écaille de la peau du donjon de Virloux. » Elle le regardait à la dérobée, tout en continuant à fourrager parmi les clématites, et ses yeux, qui scintillaient aux rayons de la lune, exprimèrent une joie d'enfant. « Bien sûr, » demanda-t-elle. « C'est juré, » reprit-il. « Je ne reparaîtrai plus devant vous que quand je serai maître de moi et maître de mon avenir. » « Mais, » ajouta-t-il, en l'enveloppant tout entière de son franc regard, « ce ne sera pas l'affaire d'un jour. Cela demandera des mois et des années. et quand je reparaîtrai, retrouverai-je encore la fée qui m'a converti ? Vous-même, alors, n'aurez-vous pas changé ? Marianne, les yeux baissés, ne répondait pas, et semblait jouer avec ses doigts, à l'un desquels brillait une petite bague. À la fin, elle fit lentement glisser la bague et la tendit à Jean de Santenauge. « Tenez, dit-elle, gardez ceci. Vous me le rapporterez quand vous vous sentirez tout à fait converti. » Il prit la bague, la baisa et la passant à son petit doigt. « soupira-t-il d'une voix mal assurée. « Ce sera peut-être long, et pendant ce temps-là, je vous attendrai, » répliqua Marianne d'un ton ferme. « Ainsi soit-il, » s'écria du fond de l'alcôve une voix perçante. Ils se retournèrent ébahis et confus, et virent au clair de lune la joviale figure de M. Brocard, qui les regardait assis sur son séant. « Oncle Brocard, » murmura Marianne, « vous nous écoutiez, c'est très mal. »« Vous m'avez réveillé, » repartit le docteur, « et c'est tant mieux, ma foi. Votre conversation m'a ragaillardi. » Il me semblait entendre ces si légères meules dans le père de famille. « Ah, que vous êtes heureux d'être jeune !» Et comme Marianne s'était hâtée de l'embrasser pour lui couper la parole, « Sois tranquille, » continua le brave homme, « je ne te trahirai pas. Je suis du parti des jeunes, moi. Et maintenant, fillette, tu vas aller tranquillement te coucher, tandis que je ferai souper ce grand garçon-là, qui doit tomber de faim. »